Bonjour, bienvenue à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et cette semaine, on compresse comme toujours les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. On a battu notre record en termes de nombre de chroniques CNX cette semaine, un beau gros zéro. Donc, on va se taper une petite émission spéciale avec que de la musique de jeux vidéo ou inspirée par les jeux vidéo. Et on va en profiter pour terminer notre superbe série en concert de Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann. On est rendu à la pièce numéro 6, Freak Out, qu'on va entendre dans quelques minutes. Mais avant ça, parlons un petit peu de ce Jonathan Mann que vous connaissez peut-être sous le nom de Game Jew. C'est le gars qui écrit en fait une chanson par jour depuis plus de 400 jours sur son site rockcookiebottom.com. Il est rendu à combien de chansons exactement aujourd'hui? Dans le coin de 450 proches. On approche le 450 sur le site rockcookiebottom.com. Mais bref, sa collection de Mario Opera Act 1 est très très bonne et on s'en va entendre la suite tout de suite. Voici donc Freak Out de ta CNX.zip à Cifou 89 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. I've always tried to do the things I know are right. Yeah, sure, yeah. This guy can sing. I'd rather fly away than make a stand and fight. Look how tiny you are. Yet here I am, a murderer without a cause. He was taunting me, but does that explain my temper loss? things to end. Fate intervenes and drops me this friend. I've never met this toadstool before, but I swear that I've heard his voice. To trust him or not, now that's my dilemma. He's a mushroom and so was the Goomba. But his face and his words, they seem so familiar. La pièce Hope in Todd de The Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann, ça s'est sorti à l'été 2005. Vous pouvez télécharger l'album au complet sur son site, c'est jonathanmann.bandcamp.com. Le lien est évidemment sur le site de l'émission ou assemblagerequis.com. Vous êtes toujours à CNX.z et on va continuer cette collection de Mario Opera Act 1 tout à l'heure. Il nous reste 3 pièces à entendre. Mais avant ça, regardons un petit peu les tendances du web, hein, les mots-clés les plus recherchés sur Yahoo Québec. Position 10 à 6, Annie Villeneuve, Ann Coulter, Transformers 3, Megan Fox et Isla Fisher. En cinquième, Obésité. En quatrième, Claudia Schiffer. En troisième, Nintendo 3D. Hein? Ben oui, oui. En deuxième, Ben Laden. Et en première, Véro Cloutier. Je suis sûr que si j'avais fait une chronique CNX cette semaine, j'aurais sûrement parlé de la Nintendo 3D. Mais bon, on n'est pas, pas là pour ça. Pas là pour parler des affaires les plus récentes en technologie ici, toujours bien. Voilà, donc on va continuer avec l'Aspirant Concert tout de suite. On va l'entendre la pièce Things Are Familiar, qui est la huitième de cette compilation qui en propose 10. Et je dois vous renseigner sur le fait que sur le site jonathanmann.bandcamp.com, il y a aussi la suite de cette série-là qui s'appelle The Mario Opera Act 2 and 3 Demos. On va les entendre un jour dans CNX, très très fort certainement. Mais la prochaine série sera sur Donkey Kong Country 2, hein, la série qui vient de sortir sur OC Remix avec tout plein de chansons créées par des fans de Donkey Kong Country 2. Ce sera notre prochaine série en concert, telle que je l'ai annoncée la semaine passée. Donc voilà, on s'en va entendre la huitième pièce « Things Are Familiar » de The Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann sur CNX.zip. And now I'm just a shadow. I lost the world up above. All for the woman that I love. Guess I'll make the dark my home. I guess it ain't so bad. My new friend Toad knows the way. For now things seem okay. But I just wish I could see her face again. Am I on the go for one desire? I am and what I was meant to do. This is what I've been waiting for. From now on I swear that I will shoot fireballs and kill for the princess. Never felt more alive, but what am I seeing? Is this the future or the past? It's all happened so fast. Could there be more to this than I can see? No, this is different. I've been to this very spot. Can it be? Ah, je l'adore, c'est là. Things Are Familiar par Jonathan Mann sur les ondes de CNX.zip à C'est Fou 89.1 FM. On continuera la série de The Mario Opera Act 1 tout à l'heure, mais avant ça, parlons un petit peu des nouveautés. Jeux vidéo cette semaine, pour la semaine du 21 mars, c'est selon GameSpot.com. Les grosses nouvelles sorties, parce qu'il y en a tellement plus que juste ceux-là, là. Commençons par Just Cause 2, qui sort sur Xbox 360. C'est un jeu d'action-aventure coté 8.0 selon GameSpot. Ça sort aussi sur PC et sur PlayStation 3. C'est sorti il y a deux jours. Bon, donc mardi. Ensuite, continuons avec Red Steel 2 sur Nintendo Wii. C'est sorti aussi mardi. C'est un shooter à la première personne. C'est coté 7.5 selon GameSpot. Sur PC, The Settlers 7 Paths to a Kingdom, un jeu de stratégie. Sur Nintendo DS, Shin Megami Tensei Strange Journey. C'est un jeu de rôle. How to Train Your Dragon, basé sur le film, c'est sur Xbox 360, PlayStation 3, Wii et DS. C'est sorti mardi aussi. C'est un jeu d'action. Cave Story sort sur WiiWare, le système de téléchargement de jeux de la Nintendo Wii. C'est sorti ce lundi. C'est un jeu de plateforme. History Egypt Engineering and Empire sort sur PSP et DS. C'est un jeu de stratégie, tour à tour. MotoGP 0910 sur PlayStation 3 et Xbox 360, c'est un jeu de course. Game Room sort sur Xbox Live et c'est sorti hier, ça. Rooms The Main Building sort sur Nintendo Wii, c'est un puzzle. Ça sort aussi sur Nintendo DS. Bakugan Battle Trainer est sorti mardi, c'est sur Nintendo DS, un jeu d'action. Majesty 2 Kingmaker sort sur PC CD-ROM, ça sort demain, 26 mars, c'est un jeu de stratégie. Et finalement, Juju Pets est sorti le 21 mars sur Nintendo DS. C'est une simulation où vous choisissez votre zouzou, votre joujou, votre animal de compagnie préféré. Et il explorera sa propre ville de hamster. Ça a l'air extraordinairement bon, ça. Donc, c'est selon GameSpot pour les jeux qui sortent pour la semaine du 21 mars. Voilà. Je cherche un petit peu mes mots. Vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'on n'a pas de chronique technologique CNX qu'on diffuserait normalement. Hein? Donc, à la place, on se passe de la musique de jeux vidéo pour la prochaine quarantaine de minutes environ. On va continuer notre série en concert de Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann tout de suite. À l'instant même, on va entendre The Lizard Wizard, qui est l'avant-dernière pièce. On est presque rendu à la fin. C'est triste parce que vraiment, là, c'est comme un coup de cœur que j'ai eu, cette série-là. Cet opéra basé sur Mario, avec la musique de Mario accompagnée de paroles inventées par Jonathan Mann. Je trouve que ce gars-là est un génie. Si vous n'avez pas encore écouté ses chansons qu'il écrit une fois par jour sur son site, là, allez chercher le lien sur assemblagerequipe.com. C'est tellement intelligent, drôle. En tout cas, c'est assez.zip sur C'est Fou, 89 FM. Answer me, my love, exactly why you had to go. If you knew it was dangerous, this ain't the first time. No, and I can't keep wandering around looking for you, risking life and limits all I can do to keep loving you. Of hell, I fought sharks on the ocean's floor. I seen statues come to life, man, even talking dinosaurs. But I traded all in instantly, just to see, just to glance a little piece of you. I do it again and again. Jonathan Mann et The Lizard Wizard, l'avant-dernière pièce de cet opéra Mario qu'on appelle The Mario Opera Act 1. Il nous reste seulement une pièce. On la termine tout de suite, cette série-là. Moi, je suis triste de l'avoir parti. Voici Shigeru Miyamoto à CNX.zip au 89 FM. C'est fou! Step back or you might miss it. taking the whole picture. He's Miyamoto. Quelle belle fin, cet opéra de Mario, The Mario Opera Act 1 par Jonathan Mann. On vient d'entendre un hommage à Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, de Zelda, de Donkey Kong, d'Animal Crossing, Pikmin, F-Zero, plein d'autres de séries de jeux vidéo comme ça qu'il a créé, ce Shigeru Miyamoto. Et Jonathan Mann lui rend hommage en disant que c'est une grosse partie de sa vie qu'il a passée avec Mario et puis que c'est de bons moments. Et je comprends tellement. Ah. Voilà pour cette série-là de Mario Opera Act 1. Vous pouvez retrouver les liens sur assemblagerequis.com. Mais après la pause, on change de sujet. Hein? On va écouter du chiptune autre que de la musique de Mario. Et ce ne sera pas inspiré par Mario. Sûrement pas du tout, en fait. C'était à Cinex.zip, l'émission la plus geek de la radio sur les ondes de Cifou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. .com 89 FM. La seule radio musicale. CLX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Cash.com. Bonjour, vous êtes toujours à CLX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Oui, normalement, c'est aussi l'émission qui compresse les chroniques technologiques diffusées dans l'assemblage requis. Par contre, cette semaine, on a battu notre record. On a fait zéro chronique CNX. Donc, on passe l'émission à se jouer de la musique de jeux vidéo, comme j'aime tant le faire un petit peu à chaque semaine. D'habitude, je passe peut-être deux ou trois pièces de jeux vidéo. J'aime beaucoup ça et je me dis toujours, ah, c'est plate de pas avoir plus de temps pour en passer plus que ça. Donc, cette semaine, ben, c'est ce qu'on va faire pour le reste de l'émission, pour la dernière demi-heure, que de la musique inspirée par des jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. C'est ce qu'on appelle du chiptune. Et on va aller écouter que la crème de la crème en ce moment. Sur le site 8bitcollective.com, il y a toujours un top, c'est peu importe le nombre de morceaux qu'ils ont dedans. Ici, j'en vois 7, je trouve ça bizarre comme chiffre, mais bon. Quand même, on va écouter à partir de la première position. Donc, on va entendre l'artiste USK avec I Am et Fukuoka Raver. Suivra la position numéro 2, l'artiste Format, qu'on a déjà entendu ici à CNX.zip avec Just Enough Everyday Now. Mais pour l'instant, voici USK. Et la pièce I Am Fukuoka Raver. Sur les ondes de Cifou. Ah ouais, 89 FM. We'll be right back. L'artiste s'appelle Format et la pièce Just Enough Everyday Now. C'est la position numéro 2 du palmarès 8bitcollective.com. Avant ça, on a entendu la première position I Am Fokoka Raver par USK. Donc, les deux pièces les plus aimées des visiteurs de 8bit Collective, qui est un site qui laisse aux gens envoyer des pièces inspirées par les jeux vidéo ou créées à partir de consoles de jeux vidéo. Des trucs comme ça. C'est du chiptune. Voilà. On entendra les prochaines positions de ce palmarès-là tout à l'heure. Mais avant ça, parlons un petit peu des jeux les plus loués dans les clubs vidéo locaux que vous visitez peut-être encore une fois de temps en temps, acheter du plastique en échange de d'autres plastiques. Cinquième position, Final Fantasy 13 sur PlayStation 3. En quatrième, Battlefield Bad Company 2 sur PS3. En troisième, New Super Mario Bros. Sur la Nintendo Wii. En deuxième, c'est Battlefield Bad Company 2 sur Xbox 360. Et le jeu le plus loué est God of War 3 sur PlayStation 3. Donc, c'est les jeux vidéo les plus loués. Regardons un petit peu maintenant les logiciels les plus téléchargés hein, sur Windows, pourquoi pas, selon download.com. En cinquième position, c'est DevEx Plus Software avec 627 500 téléchargements. En quatrième, Malwarebytes Anti-Malware avec 635 000. En troisième, Avira Antivir Personal Free Antivirus avec 760 000. En deuxième, Avast Free Antivirus avec 1 113 000. Et le grand numéro 1 des téléchargements sur Windows, selon download.com, c'est AVG Antivirus Free Edition qui en fait augmente par rapport à la semaine passée avec 2 625 000 presque téléchargements. Vous êtes toujours à CNX.zip qui normalement compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage requis, mais vous le savez, cette semaine, il n'y en a pas. Il y en a zéro. Donc, on se concentre sur la musique de jeux vidéo parce que des fois, c'est le fun, t'sais. Dans les émissions régulières de CNX.zip, je fais passer peut-être une quinzaine de minutes de musique de jeux vidéo, tu sais, entre d'autres blocs parlés pour essayer de vous faire relaxer entre, parce que des fois, il y a des gens qui trouvent ça un petit peu stressant. Croyez-le ou non, il y a des gens qui trouvent le chiptune stressant. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, on se concentre là-dessus, t'sais. Puis si vous êtes un petit peu stressé, ben, je sais pas, prenez une grande respiration, puis ça va bien. Ça va bien aller. Bon. Donc, on continue le palmarès 8bit Collective. On va aller entendre la position numéro 3. L'artiste s'appelle Fighter X et la pièce s'appelle Umbra. Ça se passe maintenant dans CNX.zip au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Weatherby par The J. Arthur Keynes Band. C'est toujours très, très bon, J. Arthur Keynes Band. On en fait jouer assez souvent ici à CNX.zip. Donc ça, c'était la position numéro 4 du palmarès CNBitCollective.com. Avant ça, on a entendu Fighter X avec Homebra, hein, qui est dans la position numéro 4. 3. Alors, on va entendre deux autres pièces de LB Collective dans quelques minutes. Mais avant ça, on va parler un petit peu des jeux les plus populaires présentement sur GameSpot.com. Mais d'habitude, on parle en général des plus populaires, donc soit disponibles ou non. Concentrons-nous aujourd'hui sur les jeux qui ne sont pas encore sortis. Position numéro 10, c'est Prison Break The Conspiracy sur PC. Ça sort le 30 mars. En 9e, Star Wars The Old Republic sur PC, un jeu de rôle qui sort dans le deuxième quart de 2011. En 8e, Last Planet 2 sur Xbox 360. Ça sort le 18 mai. En 7e, Medal of Honor sur PC, un jeu d'action qui sort dans le troisième quart de 2010. En 6e, Mass Effect 2, Kasumi's Stolen Story sur Xbox 360, un jeu de rôle qui sort en avril prochain. En 5e, Super Street Fighter 4 sur Xbox 360, un jeu d'action qui sort le 27 avril. En 4e, Red Dead Redemption sur PS3, un jeu d'action qui sort le 18 mai. En 3e, Sniper Ghost Warrior sur PC, un jeu d'action qui va sortir dans le deuxième quart de 2010. En 2e, c'est The Witcher 2, Assassins of Kings sur PC. C'est un jeu de rôle qui n'a pas encore de date officielle de sortie. Et en première position, le jeu aujourd'hui le plus populaire dans ceux qui ne sont pas encore sortis, c'est Ripper de Electronic Arts et Visceral Games. C'est un jeu d'aventure, mais on ne sait pas encore la date de sortie de ce jeu, Ripper. C'est selon GameSpot.com, ce petit palmarès-là. Voilà, comme je le dis depuis le début de l'émission, finalement, on était à CNX.zip qui normalement compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Par contre, aujourd'hui, il n'y a pas de compilation de chroniques, on a fait qu'écouter de la musique de jeux vidéo, puis c'est une émission spéciale comme ça, hein, tu sais, pour stresser les gens qui sont trop relax. T'sais, les gens qui sont comme pénérants, pour vous mettre un petit peu plus de dope, comme faire sortir le méchant, le mucus. Ça aide, apparemment, pour le mucus, la musique de jeux vidéo. Donc, on va entendre deux autres positions du palmarès 8 bits collective. On va y aller avec la position numéro 5, Broken Bird, 8 bits and orchestral. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment que c'est un mélange des genres, là, deux genres qui devraient peut-être pas se mélanger normalement. Pas qu'ils devraient pas. Normalement, ils sont pas mélangés. C'est du 8 bits, donc la musique de jeux vidéo style NES, de l'original NES, et de la musique orchestrale. Donc, voici ce que ça donne. C'est Mr. Ya avec Broken Bird à CNX.zip. We'll be right back. Ah, ben non, voyons donc. Ben non. C'est pas comme si j'essayais de vous achever comme ça en cette fin d'émission. On vient d'entendre Toki avec Little Red Riding Hood. C'est en cinquième position, de la même position exactement, ex aequo avec Broken Bird qu'on a entendu avant. La pièce de Mr. Ya qui était mélange de 8-bit et de musique d'orchestre. Voilà donc pour cette émission spéciale Chiptune. J'espère que vous êtes encore vivants, que vous avez passé au travail, que vous êtes encore présents et que vous allez rester pour le dîner de con qui commence dans quelques minutes. Hein. Je lui donne un très très bon lead-in aujourd'hui, je trouve. Donc restez là pour André et pour Danny, ils s'en viennent. Et moi, je vais revenir à 13h avec la musique un petit peu plus, entre guillemets, normale. Hein, avec les palmarès francophones de C'est fou, ça commence à 13h, puis à 17h, à 15h, il y aura Assemblage Rocky. On va se quitter avec une pièce de Teleido Fusion. Elle s'appelle Minako. Pièce moitié jazz, moitié jeu vidéo. Donc, on mélange les genres. Et on se retrouve jeudi prochain à 10h pour notre édition de CLX.zip. Bye!